Allô, est-ce que vous entendez ici? Voilà. Ne peut pas durer comme ça. Dire que vous êtes trop nombreux. Êtes trop nombreux pour que. Enfin, j'espère tout de même obtenir de vous que j'ai obtenu du public des États-Unis où je viens d'aller. J'y ai passé 15 jours. J'y ai passé 15 jours pleins et j'ai pu y apercevoir un certain nombre de choses, en particulier si d'une certaine latitude est ressentie principalement par les analystes. J'y ai été, mon Dieu, on peut dire que j'y ai été très bien traité, mais ça n'est pas dire grand-chose. Enfin, je me suis senti plutôt, pour employer un terme celui dont je me sers pour qu'il en est de l'homme, j'y ai été puni, ou encore, si vous voulez bien l'entendre, aspirer. Aspirer dans une sorte de tourbillon qui, évidemment, ne trouve son répondant que dans ce que je mets en évidence par mon nœud. C'est en effet pas par hasard, pas c'est peu à peu que vous avez dit, enfin, ceux qui sont là depuis un certain temps, que vous avez pu voir, c'est-à-dire entendre pas à pas comment j'en suis venu à exprimer par la fonction du nœud ce que j'avais d'abord avancé comme disons triplice du symbolique de l'imaginaire et du réel. Le nœud est fait dans l'esprit d'un nouveau mode, d'un nouveau mode géométrique. Nous sommes en effet au départ toujours captivés par quelque chose qui est une géométrie que j'ai qualifiée la dernière fois de comparable au c'est-à-dire à la surface. Il est très difficile, vous pouvez en faire le test, il est très difficile de penser choses qui s'opèrent le plus communément. Il est très difficile de penser tiên phụ nữ, ông tiếp thu tà ê, khi tà ê nó tiên qua tự do này, khi tà cả nó qua qua hết tự do, đi, đi vào đi, vào đi, vào cô, vào cô, vào là, vào cái appréhender à travers son père, entre guillemets, c'est-à-dire par Freud. En quoi donc il est bien lu Freud? Freud, un bourgeois. Et un bourgeois bourré de préjugés. A-t-il atteint quelque chose qui fait la valeur propre de son dire et qui n'est certes pas rien, qui est la visée de dire sur l'homme la vérité? À quoi j'ai apporté cette correction qui n'a pas été pour moi sans peine, sans difficulté, qu'il y a de vérité et qu'elle ne puisse que se dire tout comme il est disait, qu'elle comporte une vie. Se dire qu'à moitié, une puce pour l'exprimer comme je l'ai énoncé, que ce midi, je pars de ma condition qui est celle d'apporter à l'homme ce que l'écriture énonce. Comme non pas une aide à lui, mais une aide contre lui. Et de cette condition, j'essaie de me repérer. C'est bien pourquoi j'ai été vraiment d'une façon qui vaudrait remarque. J'ai été conduit à cette considération d'une vie qui, comme je viens de vous dire, est à proprement parler constituée par une géométrie qu'on peut bien dire interdite à l'imaginaire. Qui ne s'imagine qu'à travers toutes sortes de résistances, voire de difficultés. C'est à proprement parler ce que le mot entend qu'il est borroméen substantifique. Si nous partons en effet de l'analyse, nous constatons c'est autre chose que d'observer. Une des choses qui m'ont le plus frappé quand j'étais en Amérique, c'était ma rencontre, qui était pas par hasard, qui était tout à fait intentionnelle de ma part, c'est ma rencontre avec Chomsky. J'en ai été, à proprement parler, je dirais, soufflé. L'idée dont je me suis rendu compte qu'elle était la sienne est en somme celle dont je ne peux pas dire qu'elle soit d'aucune façon équitable. C'est même l'idée la plus commune. Et c'est bien qu'il y ait mon oreille simplement affirmée qui m'a fait sentir toute la distance déterminisme. Cette idée, qui est l'idée en effet commune, est celle-ci. Celle-ci qui paraît très claire. La considération, en somme, de quelque chose qui se présente comme un corps conçu comme pourvu d'organes, ce qui implique dans cette conception que l'organe est un outil, outil de prise, outil d'appréhension, et qu'il n'y a aucune objection de principe à ce que l'outil s'appréhende lui-même comme tel. C'est par exemple le langage qui soit considéré par lui comme déterminé par un fait génétique là. En ses propres termes devant moi. En d'autres termes, le langage soit lui-même un organe. Il me paraît tout à fait que tout est exprimé par le terme souffle, il me paraît tout à fait évident que de ce langage on puisse faire retour sur lui-même comme organe. Si le langage n'est pas considéré tout ce bien, qu'il est lié à quelque chose, et qui, dans le réel, c'est trop, il n'est pas simplement difficile, il est impossible d'en considérer le maniement. La méthode d'observation ne saurait partir du langage sans admettre cette vérité principielle que dans ce qu'on peut situer comme réel, le langage n'apparaît comme faisant trop. C'est de cette notion, fonction du trop, que le langage opère sa prise sur le réel. Il n'est bien entendu pas de faire peser de tout son poids cette conviction sur vous. Elle m'apparaît inévitable de ce qu'il y a de vérité comme telle possible que deux idées de réel. Le langage, d'ailleurs, mange ce réel. Je veux dire, il me permet d'aborder ce réel quand ce réel génétique, pour parler comme Chomsky, qu'en termes de signes, ou autrement dit de messages, qui, par gène moléculaire, en le réduisant à ce qui a fait la renommée de Crick et de Watson, à savoir cette double hélice qui sont censées partir ces divers niveaux qui organisent le corps à travers un certain nombre d'étages qui sont d'abord de la division, du développement, de la spécialisation cellulaire, et puis ensuite de cette spécialisation à partir des hormones sont autant d'éléments sur lesquels se véhicule pour la direction de la formation organique, autant de sortes de messages. Toute cette utilisation de ce qui en est du réel par tant de messages, mais il se marque que le voile porté sur ce qu'il en est de l'efficacité du langage, c'est-à-dire sur ce qui le langage n'est pas en lui-même un message, mais ne se distance que de la fonction de ce que j'ai appelé le trou dans le réel. Il y a pour cela la voix de notre nouveau mode vernetique, c'est-à-dire que la substance qui résulte de l'efficacité propre du langage et qui se supporte de cette fonction du trou. Pour l'exprimer en termes de ce fameux néo-boroméen, disons retourne tout entier, qui l'équivalent d'une droite infinie avec un cercle. Enveloppante au lieu d'être enveloppée. C'est la caractéristique de ce point à l'infini, c'est de ne pouvoir être quitté, comme on pourrait s'exprimer, d'aucun côté. Mais ceci est exigible à partir de l'image, on doit. De ces trois droites, complétées de leur point à l'infini, il ne s'en trouvera pas existence écrit comme je le fais, qui, elle, appartient au réel. Il en est le caractère fondamental. Cette méthode, s'il s'agit de méthode, est une méthode qui se présente comme sans espoir d'aucune façon de rompre le nœud constituant du symbolique, de l'imaginaire et du réel. À cet égard, elle se refuse de ce qui constitue, il faut dire, d'une façon tout à fait lucide, une vertu même dite théologale, et c'est en cela que notre appréhension analytique de ce qu'il en est de notre vie est le négatif de la religion. On ne croit plus à l'objet comme tel. Et c'est en ceci que je dis que l'objet peut être saisi par aucun organe, puisque l'organe en lui-même est aperçu comme un outil. Et s'étant aperçu comme un outil, séparé, il est à titre conçu comme un objet. Dans la conception de Chomsky, l'objet n'est lui-même abordé que par un objet. C'est à la restitution en tant que tel du sujet, en tant que lui-même, ne peut être que divisé par l'opération elle-même du langage, que l'analyste trouve sa diffusion. Elle trouve sa diffusion en ceci qu'elle met en question la science comme telle. Science pour autant qu'elle fait d'un objet, un sujet, alors que c'est le sujet qui est de lui-même divisé. Nous ne croyons pas à l'objet, mais nous constatons le désir, et de cette constatation du désir, nous induisons la cause comme objectif. Le désir de connaître rencontre des obstacles. C'est pour incarner cet obstacle que je vais inventer le nœud et que, au nœud, il faut se rompre. Je veux dire que c'est le nœud seul qui est le support concevable d'un rapport entre quoi que ce soit et quoi que ce soit, que le nœud, s'il est abstrait d'un côté, doit être pensé et conçu comme concret. Ce dans quoi, jusqu'aujourd'hui, vous voyez bien, je suis fort là. Fort là, cette épreuve américaine. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été certainement récompensé, car j'ai pu ce figure que vous voyez ici substantialisé par l'écrit, par le dessin, je peux en faire que j'appellerais agitation, émotion, le senti comme mental, le senti mental, est que Dieu, parce que toujours par quelques biais, réductible à l'imagination. L'imagination consistante va tout droit à l'impossible de la cassure. Mais c'est dans cela que la cassure peut toujours être le réel. Le réel comme impossible, et il n'en est pas moins compatible avec la dite imagination et la constitue même. Je n'espère pas d'aucune façon sortir de la débilité que je signale de ce départ. J'entends comme quiconque que dans la mesure de mes moyens, c'est-à-dire comme sur place, sur ne s'assurant d'aucun progrès vérifiable autrement qu'à la longue. C'est de façon fabulatoire que j'affirme que le réel, tel que je le pense dans mon pense SE, dans mon pense léger, ne va pas s'en comporter réellement. Le réel m'entend effectivement s'en comporter réellement le trou qui subsiste de ce que ça consiste. Ne soit rien de plus que celle de l'ensemble du nœud qu'il fait avec le symbolique et l'imaginaire. Nœud qualifiable du Borromeo, soit intranchable, sans dissoudre le nid qu'il rend du sujet. Du sujet comme non supposé. C'est-à-dire comme réel, pas plus divers que chaque corps signalable du parleur, corps qui n'a de statut respectable au sens commun du mot que de ce mot. Alors, après cette épuisante tentative, là, j'attends de vous que j'ai reçu plus aisément qu'ailleurs, à savoir que quelqu'un me pose à propos d'aujourd'hui une question, quelle qu'elle soit, même si elle manifeste dans mon discours d'aujourd'hui, discours que je rendrai la prochaine fois, en abordant ce John se trouve d'une façon privilégiée, avoir visé par son art le caractère, celui de la diversification. Vous voyez la figurée, qu'il s'agit du rond rouge tout à l'extrême à droite, ou qu'il s'agit aussi bien du rond noir ici, ou qu'il s'agit encore de ce que vous voyez d'une façon particulière encore particulière en ce sens. C'est toujours le même cercle politique. Il faut du tout à une position spéciale, à savoir de voir un peu, c'est-à-dire pris d'une façon de correspondance, de figure à peu près, pris quatre fois. Qui permet effectivement de s'apercevoir que le même souci que deux fois de certaines questions ou la boucle de règle. Et qu'on peut oublier ici par contre que quatre fois que ce système. Le coin. Aussi bien que le coin sage, essentiellement c'est ça. C'est donc de John que ce quatrième terme, ce quatrième terme en tant qu'il complète le nœud de l'imaginaire, du symbolique et du réel, que j'avancerai ici. Que par son art, et c'est là tout le problème, comment un art peut-il vivre de façon expressément divinatoire, à substantialiser dans sa consistance comme telle, mais aussi bien son existence, aussi bien ce troisième terme qui est le trou, comment par son art, quelqu'un a pu viser à rendre comme tel au point de l'approcher d'aussi près qu'il est possible ce quatrième terme, celui propos de quoi aujourd'hui, je voulais simplement vous montrer qu'il est essentiel au néo-roméen lui-même. J'attends donc que se lève une voix, quelquefois. Alors, qu'est-ce qui a pu vous paraître discutable lorsque j'ai avancé le texte? Pardon? Qu'est-ce que j'ai? Ben, c'est bien pour ça que je vais te souffler, c'est certain. Oui. Mais, ça ne veut pas dire que on a toujours cette sorte de faiblesse. Il y a un reste d'espoir. Je veux dire que, comme si, s'occupant de l'industrie, je pouvais espérer voir une pointe d'appréhension de ce que montre concernant le symbolique, c'est-à-dire qu'il garde même quand il est faux, quelque chose du trou, qu'il est impossible, par exemple, de ne pas qualifier ce faux trou, l'ensemble constitué par le symptôme et le symbolique. Mais que d'un autre côté, c'est en tant qu'il est accroché au langage, c'est le symptôme qui dit, au moins, nous croyons que par une manipulation interprétative, c'est-à-dire jouant sur le sens, nous pouvons modifier quelque chose de sensible. Cette assimilation de sensible est quelque chose qui, à mes yeux, est de l'ordre du sensible. C'est-à-dire qui confond le symptôme et le réel. C'est très précisément ce qui m'a dit. Alors, c'est ce pour vous. L'oiseau. Oui, vous êtes américain. Je vous remercie. Je constate simplement qu'il y a une fois plus qui passe un américain pour m'interroger. Enfin, je ne peux pas dire combien j'ai été comblé par le fait qu'en Amérique, j'ai eu des gens qui me témoignaient par quelque côté que j'avais, que mon discours n'était pas bon. Le coin n'est pas bête du tout. Hein. Ouais. Ce que je peux attendre de quelqu'un de français, quelque chose qui n'est pas qui. La photo de l'alternance. Comment dites-vous une désincarnation? C'est bien là ce dont il s'agit. C'est bien très difficile de ne pas considérer le réel dans cette occasion comme un tiers. Et disons que quelque chose sollicité comme réponse appartient à ceci et qui est un appel au réel, non pas comme lié au corps, mais comme différent, que loin du corps, il y a possibilité de ce que j'appelais la dernière fois, résonance, consonance. C'est au niveau du réel que peut se trouver cette conscience. Que le réel, par rapport à ces pôles que constituent le corps et d'autre part le langage, que le réel est là qui fait accord. Que je peux attendre de vous de cadeau. Mais peut-être que participant du trou, tout autant que des autres modes sur lesquels se présente le corps et le réel, d'autre part, nous sommes. Oui. C'est évidemment par là que j'essaie de rejoindre la fonction de l'art, c'est en quelque sorte impliqué par ce qui laissé en blanc comme quatrième terme, quand je dis que l'art peut même atteindre le symptôme. C'est ce que je veux essayer de substantialiser et c'est à juste titre que vous évoquez le mot du lamel. C'est tout à fait dans la bonne note et je vous en remercie. C'est dans ce fil que j'espère continuer. Non, ce n'est pas pour rien que dans une corde, la métaphore vient de ce que nous, que nous sommes trouvés, à quoi très sert cette métaphore. S'il y a dans une corde vibrante des ventres et des muscles, c'est pour autant que c'est aux muscles qu'on se réfère. Je veux dire que on oublie du langage d'une façon qui va plus loin que ce qui est effectivement technique. On réduit toujours la portée de la métaphore comme telle, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on la réduit à une économie. C'est tout à fait exact, il n'y a plus de la mettre. Il n'y a que nous qui parlons de ça. Dans cette perspective, il n'y a aucune réduction radicale du quatrième terme. C'est-à-dire que même l'analyse, puisque Freud, on ne sait pas par quelle voie faire. À pour l'énoncer, il y a une tour perdre un monde, il y a un refoulement qui n'est jamais annulé. Il est véritablement du symbolique de comporter ce trou. Et ce trou, je dis, quand je reconnais dans l'histoire de la ligne, il ne constitue pas un modèle sur le mode. Il y a quelque chose près de quoi l'imagination défaille. Je veux dire que elle résiste à proprement parler comme telle à l'imagination du métier. Son abord mathématique dans la sociologie est insuffisant. Je peux quand même vous dire, enfin, n'est-ce pas, mes expériences de ce vacances. Je suis obstiné à penser à la façon dont ceci qui constitue un nœud, non pas un nœud entre deux, mais comme vous le voyez, la cage. Comment ce nœud dit mieux à trois, le nœud dit cinq. Le mot que vous pouvez faire, c'est le même que celui-là. Le mot que vous pouvez faire avec même le corps de l'âme. C'est le même mot, quoi qu'il n'ait pas le même aspect. Je me suis attaché à penser à ce type dont j'avais fait, disons, la trouvaille. À savoir, qu'avec ce nœud, tel qu'il est montré là, il est facile de démontrer qu'il existe un nœud dans mon air. Il suffit de penser que vous pouvez rendre sous-action sur une surface, cette surface vide dans laquelle nous ne sortons de fou quoi que ce soit concernant les métiers. Sur une surface donc sous-action, vous mettez le nom du métier. Il est très facile de réaliser, je veux dire, par une autre chose, tout bien passé. Car ce que nous disons, je veux dire à chaque étape, un troisième lieu à trois. C'est effectivement le dépassement de ça à imaginer. Ça s'imagine. Ça fait tout. Il a fallu que j'en fasse la trouvaille. Pour passer un mieux formulable. Le mot sous-jacent est fini à chaque étape. Le mot que j'appellerai la sous-jacente. Je suis donc réalisé l'événement à l'événement. Il y a plus de possibilités. Avec ce mot à trois. De réaliser un mot baronien à quatre. J'ai passé à peu près deux mois à me casser la tête sur cet objet. Et bien là, le cadre le dit. Je n'ai pas réussi à démontrer qu'il existe une façon de nouer quatre mots à trois d'une façon bornée. Eh bien, ça me prouve bien. Ça ne prouve pas qu'il n'existe pas. Encore hier soir, je n'ai pas fait qu'à ça, si j'avais pu y arriver à vous à démontrer qu'il existe. Ce qui est bien pire, c'est que je n'ai pas trouvé la raison démonstrative de ce qui n'existe pas. Simplement, j'ai échoué. Car même cela que je ne puisse pas montrer que ce n'est à quatre nœuds à trois, en tant que dormir, et que je ne puisse pas le montrer, ne prouve rien. Il faut que je démontre qu'il ne peut exister. En quoi c'est impossible, un réel sera assuré. Le réel constitué par ceci, s'il n'y a pas de nos dormir, de quatre mots à trois. Ça serait là toucher un réel pour vous dire ce que j'en pense toujours avec ma façon de dire ce que j'en pense. Je crois qu'il est fou. Je veux dire que ce n'est pas là que nous douterons un réel. Je ne désespère pas de le trouver. Mais c'est un fait que je ne peux rien. Ça serait démontré, ça serait facile de vous le montrer. Mais il est un fait aussi que je ne peux rien de tel vous montrer. Le rapport montré ou démontré est là nettement séparé. Thank you. Pour un cours,